pied du volcan, nous dansons. Nous aimons danser. Au pied du volcan, big volcan, big volcan. Possible. Probably. Even when I sleep, I just walk on the board day. When I need to get this every day, do do. Thank you. Ça se sent que c'est tout. Ne plus laisser distraire, désarçonner. Ça se sent que c'est tout. Yeah. Where did you sleep last night? Where did you? In the pines, where the sun don't ever, where the sun don't ever shine. Mise en place, interaction assez complexe finalement comment on fait pour ouais assez vite, c'est flippant, je pars assez flip, c'est flippant comme stupé flip, c'est flippant, mais c'est comme ça. Certains niveaux peuvent pas m'empêcher de maintenir niveau un niveau. C'est un nouveau millénaire. Un nouveau. Un nouveau. Un nouveau millénaire. Le temps à nous de se lever. De se lever à nouveau pour ce nouveau millénaire. Nouveau, nouveau millénaire. Newton, Newton. Thank you.